Jamel, t'es un gamin qui passe sa journée à fumer. Tu veux Damien, j'ai différents clients sur Lyon et le meilleur s'appelle Damien. Tu connais, nous on fait ça bien. Pendant que vous vous faites semblant, y'a du zéro, y'a de la seven et je trouve que les deux s'assemblent. J'étais absent en cours pour pouvoir détailler dans ma chambre. Détailler le putain de chambre, je pensais qu'il y avait le putain de temps. Mais je vois que des putains de merde valent les couilles, donc j'ai déjà la recette. Et